Radio. Amis de la musique, vous écoutez pour la première fois l'électrophone stéréophonique de sélection. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qu'est vraiment la stéréophonie? Eh bien, quelques exemples pratiques vous en apprendront davantage que bien des explications théoriques. Et le but de ce disque est de vous faire comprendre les merveilleux avantages de la stéréophonie. Tenez, écoutez le départ d'un train. Voici comment vous l'entendiez jusqu'à ce jour, à travers une quelconque reproduction non stéréophonique. Avec votre nouvel électrophone stéréophonique de sélection, vous entendrez ces mêmes bruits, mais tels que vous pouvez les percevoir dans la réalité. Refaisons l'expérience avec le passage sur le circuit de Montlhéry de quelques voitures de Formule 1. D'abord, on écoute Monorail. Prenons un autre exemple. Une partie de ping-pong telle que vous l'avez toujours entendue à travers une audition non stéréo. de grandir, d'apprécier la fidélité avec laquelle tous ces bruits vous sont retransmis. Oui, direz-vous, mais, et la musique. Thank you.

ce disque idiot qui est rayé au milieu et les tarots que je te tire sur ton châle en camailleux. Vous l'avez cru parce que vous êtes rousse aussi. c'est pour votre chien que mon cœur bat. Non, je veux dire, je dis ça comme ça. Les chiens rouent dans la nuit. La nuit rouent. Les chiens rouent. Et toi? Toi rouent. Toi rouent. Toi rouent. Le jour alors se lève. I love you Zelda. Same place. Eh bien, dansez maintenant. Dansez comme à la radio. Supporter que tu ne sois pas là. Je ne peux plus supporter de te croiser sans te toucher. Je ne peux plus supporter la vie sans toi. La vie sans toi, tout est froid. La vie avec toi, tout me plaît. Je ne peux plus supporter d'attendre sans savoir. Ne m'aimes-tu plus ou bien es-tu empêché? Tu ne veux pas ou bien tu ne peux pas. Je veux savoir, je ne peux plus attendre. Je ne peux plus attendre, espérer pour rien. Enfermé dans un lit qui me guette, marchant le long du canal qui me lèche. Sur le pont, la tentation. Sur le pont, supporter que tu ne sois pas là. Sous-titrage Société Radio-Canada. Pourquoi pas des sons? Pourquoi pas des de jolis sons? Oh oui! Pas des sons de jolis sons? Oh oui! What did you say? Ha ha ha! comme un transistor. Les gagner nous-mêmes. Comme ça, ce sera-t-il l'égalité, la crique ? Oui, comme ça, ce sera l'égalité. Eh bon, je le savais bien, les gars, qu'on y arriverait. C'est pas une bonne idée, ça, les gars. Tu pars ? Vous faites expliquer un trésor de boutons glacés. Pour même de fric qu'on aurait toujours sous la main, que le mettrait ? On peut encore dans la forêt, dans une boîte. Une cabane, on dit, une cabane avec des branches. Et puis des planches, et puis des clous. Pour gagner des sous, on s'est mis à chasser les vipères, cueillir les champignons, pêcher les grenouilles, attraper des tas de bestioles qu'on volait. En même temps, on construisait la cabane pour abriter notre futur trésor. Thank you. Oh, my God. Fate con la stazione del programma Mini. programma minimo proporzionale, orgoglio italiano, la fiducia in casa e la fine dei paesi, la distruzione dell'intero paese, l'eroismo quotidiano, l'amore del pericolo, la violenza riabilitata come argomento del diritto, la visione della velocità, dell'antropità, dell'originalità, dell'ottimismo, con tutto l'assento dei giovani al potere contro lo spirito parlamentare. Innumerevoli futuristi, esseri che non ha nulla a che fare con i loro atteggiamenti politici come quello politico del futurismo russo e di russo artistico. Il futurismo è un movimento artistico e ideologico. Interviene nelle nostre politiche soltanto nelle ore di grave pericolo. Il futurismo è anche per noi una schiena formidabile incandescente di serialità. Il futurismo opera invece nei domini infiniti della sua fantasia, ovunque, e deve osare, sempre più osare, temerariamente, avanzare la civiltà di Stefano. Ah, il futurismo nasce in campo sicuro del nostro meraviglioso paese. Vous avez deviné? Écoutez-le encore une fois. Vous l'avez trouvé! Posez sa vignette dans la case numéro 1 et je vous laisse continuer. Numéro 2. Numéro 3. Numéro 5.

un ami. Par les journaux, par la poste. Alors... Alors tu te souviendras que nous avons fait l'amour. Remember. Que je pleurais. De plaisir. Et que ma peau était douce et vivante à la paume de tes mains. Alors... Tu auras une envie folle, immédiate, de recommencer, et tu sauras de quoi je parle. En ce moment précis. Alors... C'est l'amour. espoir. Mais je connais la fin, je sais très bien où on va arriver. Ça va continuer de chantonner comme ça jusqu'à la fin. Il y aura peut-être une variante, mais c'est pas vraiment certain. Parce que je suis fatigué, fainéant de bouger mon magnétophone. Alors, je savais la musique sans rien effacer. Là, c'est l'amour. Là, c'est l'amour. Toujours t'aimer. Centimètres. Les paroles sont complètement bidons. Les paroles sont vraiment bidons. Les paroles sont bidons. Les paroles sont bidons. Les paroles sont vraiment bidons. Les paroles sont bidons. Les paroles sont bidons. Les paroles sont bidons. Les paroles sont bidons. Les paroles sont complètement bidons. Les paroles sont bidons. Les paroles sont bidons. Les paroles sont vraiment bidons. Mal en bidon. Même si les paroles sont vraiment bidons. Minuit sonné. Ne sors pas. L'heure des adieux. Mais l'heure des retrouvailles. Bonjour, demain. revienne, où le pont Mirabeau coule la Seine. Les jours s'en vont au demain.